Divers pays ont fait part de la réussite du Festival aéronautique d'amitié internationale de Wonsan 2016 en Corée. Les agences de presse TASS et LIA Novosti, les journaux Izvestia, Nezavissimaya Gazeta, Kommersant, la télévision Zvezda de Russie, l'agence de presse Chine Nouvelle, le journal de Hong Kong de Chine South China Morning Post, l'agence de presse espagnole, le journal singapourien Straits Times, la télévision birmane, l'agence France Presse, La Paix et Yahoo des États-Unis ont annoncé la nouvelle en détail sous le titre « Premier festival aéronautique de la Corée, festival aéronautique particulier ».